Dossier 3. Livre page 42. Question A. 1. Pendant les nuits d'hiver, les hiboux sont partout dans la forêt. 2. Le hérisson vit dans le jardin. Il marche sur l'herbe et il ruine les haricots. 3. L'horloge nous indique l'heure.